ka menase. Ouve bot la, ou mwen fe sa kache. E nou ke profite pou nou koze. Oh darling, vou ki ka vwe l'amou kon bel tablo. Tansyon pou li pa jamè, jamè kontre l'eau. Paske la vi pa ka fè nou kado, kado, kado. Mwen te pe konte si vou, kon mwen pe konte si mwen. Ou ke bien vwe, si sa pa posi. Si si kriye pa teni, yon de branche pou te pose. An ki jan la vi te ke, pou le ye ye. An de mou kat pa wol mwen ke ti ou tout sa mwen ni pou ti. Détends toi mouvement, nous que prenons une décision vraiment. Fou qu'a couru fou, mais qu'on est bien, oh la ni chaye. Et ou kabaye la vie, c'est l'amour, kabaye en même temps. Darling, oh oh. Darling, au petit matin, tout rêve qu'a disparaît. Kon si se la fime a sigare. Sa ka vini, demen nou pa kone. O taoli, sou ka touve mwen tro sentimental. Mwen men pou mwen, sa tout a fè normal. Et si mwen ka di ou tout sa, c'est parce que lè ou te di mwen goodbye, ou dali, ou te rivye, et mwen men se te pay. Mè mi lan mwen pe potay, ou dali, ki kote ou te rivye. Balade créole, ou dali, ou nou, goûte la pluie tombée à Sitol, ou dali, mi anti balade créole, avec des mots et quatre paroles. Sa, mwen te ke vle ke ou santi sa. Oh darling, oh. Mwen te ke vle ke ou konpwann sa. Mwen te ke vle ou santi sa. Pon nou veye si piti, pas piti ka kran ti vi. Pon nou veye si piti, oh darling.